je restai à Lyon 7 ou 8 jours encore pour attendre les commissions dont maman avait chargé mademoiselle du Châtelet, que je vis durant ce temps-là plus assidûment qu'auparavant, ayant le plaisir de parler avec elle, de son amie, et n'étant plus distrait par ses cruels retours sur ma situation qui me forçaient de la cacher. Mademoiselle du Châtelet n'était ni jeune ni jolie, mais elle ne manquait pas de grâce. Elle était liante et familière, et son esprit donnait du prix à cette familiarité. Elle avait ce goût de morale conservatrice qui porte à étudier les hommes, et c'est d'elle en première origine que ce même goût m'est venu. Elle aimait les romans de Le Sage, et particulièrement Gil Blas. Elle m'en parla, me le prêta, je le lus avec plaisir, mais je n'étais pas mûr encore pour ces sortes de lectures. Il me fallait des romans à grand sentiment. Je passais ainsi mon temps à la grille de mademoiselle du Châtelet, avec autant de plaisir que de profit, et il est certain que les entretiens intéressants et sensés d'une femme de mérite sont plus propres à former un jeune homme que toute la pédantesque philosophie des livres. Je fis connaissance aux Chazottes avec d'autres pensionnaires et de leurs amis, entre autres avec une jeune personne de 14 ans appelée mademoiselle Serre, à laquelle je ne fis pas alors une grande attention, mais dont je me passionnai 8 ou 9 ans après, et avec raison, car c'était une charmante fille.